Revenons en arrière un petit peu, en début de semaine, en fait, passé, pour écouter les meilleurs moments d'assemblage requis, OK? Oui! Voici. Beaucoup trop excité. Aïe, aïe! Comme les enfants devant le pape. Voici un instant classique. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 11 février 2013. Wouh! Ah! Wouh! Le pape a donné sa lettre de démission. Non! Oui, Benoît XVI ne sera plus en fonction à partir du 28 février. Fait que toutes les mimes, là, puis les photos avec lui, puis Voldemort. Ah! Je t'ai dit! Ça c'est fini. Dire son nom! Mais c'est pas trois fois dans le miroir? C'est pas le bonhomme 7 heures? Beetlejuice. Ah, Beetlejuice. Non, je mélange tout le temps. Ouais. Le c'est pape bien. Beetlejuice. Même affaire. Hein. Pape et repape s'en vont en bateau. Pape ton ballot, qui reste? Personne. Personne. Ah, c'est ça le problème. Mais oui, c'est ça. Il y a 85 ans, puis selon un message qu'il a reçu de Dieu, c'est fini. Ah non, il c'est plus apte à paper. Le pape pas qui, qui veut bien? Oui, paper plus haut que le trou. Oui, comme toutes les expressions disent. Oui. À trois rues, on n'est pas pire sur les papes et papiers. Papes et papiers, puis pas pire, il y a pas pire. Dedans. John Philip. Yes. Car Goodwater. Oui. Charbonneau. Oh. Car Goodwater. Oui. Non? Peut-être. Non? Moi, je trouve ça bien. Mm-hmm. Je trouve ça intelligent, même. Nonobstant. Nonobstant. Nonobstant. L'unestant, c'est pas un pays, le nonobstant? Non, mais je voulais dire nonobstant. Nonobstant. Ça aussi, c'est un pays, je pense. Ouais. À côté de l'Ouzbékistan. Le gars est devant un fond noir complètement et tape sur les fesses pour faire les, ce que vous entendez là. Ce qu'on entend, les tapochements. Je sais pas s'il a magasiné ses fesses pour avoir la note, là, tu sais. Moi, je veux un fa. Un face. Non, j'ai une fesse, oui. Une fesse. Un face. C'est là que tu t'en allais. Ouais, c'est à peu près la blague que je voulais faire. Ouais. Ah, il fait des percussions! Marie-Pierre Laforge-Bourret. C'est une vedette, tiens! Oui! Tu parles. Ah, j'ai zé, je suis content, j'étais pas sûr de les avoir. Est-ce que tu vas en faire un live? Attention, go! Mais tu veux que je dise, Mathieu? J'écoute Assemblage requis. Vous écoutez Assemblage requis. Assez fou. 89.1. Tu vois? T'es pas dur! T'es pas dur! Quand tu sais ce qu'il faut que tu dises, ça va. Ça ferait drôle si tous nos bumpers, nos retours de pause étaient le réalisateur qui dit à la fille quoi dire. Là, dis Assemblage requis. Assemblage requis! Le director Scott. Oui, le commentaire de la diarrhée. Là. C'est trop dur. Diarrhée. J'ai été obligé de fermer les yeux. Wow. Ah, comme du sexe. Okay. T'es obligé de fermer les yeux. Oui. Patrice Michaud. C'est pas plus simple de l'appeler Patrice Tiède. Ça nous a laissé froid. Mais qui somme toute était quand même un bon jeu de mots. Ah oui, on ouais, je peux m'encourager moi-même. On le rit, mais tu sais, c'est parce que dans notre tête. Non, c'est parce que t'as fermé le micro, c'est pour ça. Oui! Tantôt, je t'ai appelé Pangilip. Oui. Ben, en fait, j'ai appelé quelqu'un d'autre. Pangilip. Donc, son nom au complet serait Pangilip Avion Mauvaise Huile. Avion Mauvaise Huile. Charbonneau. Avion Mauvaise Huile. Tu fais le contrat. Le contrat. Wow! C'est un quiz? Je vous nomme l'expression. Et quelqu'un? Quelqu'un répond, okay. tente sa chance. Chacun sa sorte de buzzer, vous décidez vous-même qu'est-ce que vous voulez comme buzzer. Ouais. On va tester d'ailleurs, Stéphanie. Pouette. OK, j'en fais. Poêle. Marie-Pierre. Ouais. Oh! Et moi, ce sera Squeak Squeak. Qu'est-ce que t'as dit, David? OK. Très bien déjeuné, j'ai mangé deux rôtis de blé entier avec beurre d'arachide naturel et banane et café truffe chocolat framboise. C'est détaillé, j'ai mangé un rôti de porc. Pour de vrai? Non. OK. Non, vraiment pas. Je trouvais ça trash. Celle-là, je l'ai pas vu venir. On peut penser à ce monde qui habite tout le temps, justement, on dit à l'équateur tantôt, mm-hmm. à des températures chaudes, tropicales, ils vont s'acclimater, ils vont parfaitement fonctionner là-dedans. Pour eux, ça va être tout à fait normal. À l'équateur, c'est fait par Walmart, ça, Equate. Oh, tout. C'est comme le pays maison. La marque maison. On dit qu'à chaque tranche de 10 mètres, il y a une atmosphère, il y a la pression d'une atmosphère qui se rajoute. Donc, une atmosphère, c'est 760 mm de mercure. Donc, millimètres. Ah, évidemment, aussitôt que tu as une atmosphère, tu as. Un sport expert à chaque côté. Mais... fait qu'à chaque 10 mètres, il y a un sport expert. C'est ça, exactement. C'est ce que je comprends dans ta logique. Mais le protocole pour la tenue, c'est quand tu arrives en haut, il faut que tu enlèves tes lunettes, faut que tu fasses un signe de la main comme que tel. Comme que ça, la boîte de pizza. Là, ouais, genre. Le chef fait Mamma mia! Mamma mia, mon pizza est bonne! Il faut que tu dises ça justement. Mon pizza est bonne! Non, donc c'est ça, je suis en train d'écrire des paroles. Tu sais, tu pourras en rajouter. Délicieux comme un potage, beau comme un bricolage. On l'entend des coquillages. Ils sont peut-être contre le mariage. À maison comme à la plage. Comme les cadeaux des rois mages. Ah, je cutterai. La jeu cutter, ça pas l'âge, yo. T'es sage. Ooh. Oh, sage. Glaçage. Oui. Oh, oh, oh, oh. Yeah. Oh, yeah. Bravo. Même Amir Kadir, qui devait poser une question immédiatement après, il savait plus quoi dire. Il savait plus quoi dire. Je suis pas un poète politique. Fait qu'à la place, ce que j'ai fait, c'est un melting pot de ce que Pauline Marois a fait dans melting la dernière... poète. Melting... Oh, c'est bon. Oh. Ça, c'est bon. Est-ce qu'on entendait bien le melting poet à la fin? C'était merveilleux. C'est vraiment merveilleux. La chanson qu'on a chantée, ben, que j'ai chantée en fait, c'est la nouvelle, j'espère, peut-être un jour, je suis en train de l'écrire. Chanson thème pour la chronique de la GEQTR. La chronique de la GEQTR, c'est AGEQTR, je cutterai, peu importe ton âge, tu vas à la GEQTR, parce que la GEQTR, ça n'a pas d'âge, yo. Ça, c'est la chanson présente. Pra. Et puis, je voulais la réécrire avec plus de rimes dedans, ça. Potage, bricolage. Glaçage. Glaçage, surtout. C'est important. Ma mère est très forte dans le glaçage. Oui. Suffrage. Elle fait des gâteaux. Pelage. Suffrage. Suffrage. Ah! Oh! Voyons donc. Ah! Comment? Justine? Ta mère est forte dans le glaçage? Oui, mais... Ah oui, vas-y. Ben, c'est ça, mais ça finit là. Ah. L'affirmation était « Ma mère est bonne dans le glaçage. » Ta mère glace bien, donc. C'est ce qu'on va retenir. Ma mère glace bien. Ah, voilà. Donc, c'était les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 11 février. Écoutez-nous, moi et Jean-Philippe Charbonneau, ou Jean-Philippe Charbonneau et moi, si on veut y aller par priorité. Lundi au jeudi, entre 7h et 9h, ici, même assez fou, et puis c'est rempli de moments malaisants, c'est fourette. Oui. Des mauvais jeux de mots sur Charbonneau que personne ne comprend, sauf 2-3 clips plus tard. Et tu fais comme « Ah oui, je comprends, avion mauvaise eau. » Mauvaise huile. Mauvaise huile. C'est le contraire de Charbonneau. Bon, Colin. Hein? Est-ce que j'arrête de parler des blagues puis essayer de les raconter jusqu'à temps que ce soit drôle? Oui, on pourrait comme passer à autre chose. D'habitude, quand il faut expliquer la blague, c'est un signe. Ça résume mec. Surtout pendant 15 minutes. Bon. Allez, prochain. Je t'en ai.